Challenge Banque Nationale, c'est le gros tournoi de tennis que notre collaboratrice de tennis, Caroline Delisle, organise à toutes les années et avec son équipe. Et ça va lieu à Ville-Saguenay très très bientôt. Je pense que c'est demain que ça commence. Salut Caroline! Oui, bonjour. Caroline, effectivement, je pense que c'est demain, Ça commence, ben, en réalité, demain, c'est plus les pratiques, là. Ça hein? commence officiellement samedi, les qualifications. OK. Donc, normalement, il y a 3 tours de qualification, samedi, dimanche et lundi. Donc, le tableau principal commence, dès mardi, là. OK. Ça, c'est du Tennis Canada qui décide de les laisser passer, et ainsi de suite, comme les autres tournois? Oui, c'est ça. C'est Tennis Canada qui ont le plein contrôle là, des laissez-passer, des exemptions, tout ça. C'est vraiment eux qui sont en charge de ça. Donc, c'est sûr qu'eux autres, ils favorisent là, bon, les jeunes, hein, évidemment, là, les futurs prospects qui se pointent, là, les jeunes de 16, 17, 18 ans. Donc, là, je sais qu'ils n'étaient pas tout à fait décidés au niveau des laissez-passer parce qu'ils attendaient justement encore d'autres résultats, là. Il y a des tournois présentement aussi. Donc ça joue aussi hein, sur bon tout dépendamment des performances puis ça va au mérite. Donc c'est certain qu'eux autres évaluent tout ça, là. Donc des fois ils peuvent déterminer les laisser passer plus d'avance, mais là cette fois-ci c'est comme pas mal la dernière minute, là. OK. Évidemment, par le passé, on se rappelle ça, vous aimez ça beaucoup le dire, et avec raison, et à juste titre, Angelica Gerber a participé à gagner les deux premières Challenge Banque Nationale. Mais il y a une jeune qui s'est pointée, qui progresse lentement mais sûrement, puis sa progression est stable. C'est Madison Keay. Elle aussi, elle a participé au Challenge Banque Nationale. Oui, c'est ça. Elle avait défait justement Eugénie Bouchard en Ouais. finale. C'est il y a 3 ans, si ma mémoire est bonne, là. Donc, et puis là, on la retrouve là, dans les 10, 12 meilleurs au monde. Donc, oui, elle a une très belle progression. D'ailleurs, la USTA, bon, aux États-Unis, eux autres, ils fondaient beaucoup d'espoir sur elle. C'était comme la future Serena Williams, si on veut. Ouais. C'est une joueuse qui est très puissante. Donc, c'est sûr que c'est difficile de comparer qui que ce soit à Serena, là, évidemment. Sauf que c'est sûr que bon, les États-Unis, à un moment donné, les Serena et tout ça vont arrêter de jouer, hein, fait que ça prend de la relève aussi, mais ils ont Ouais. quand même de très, très bonnes joueuses, même ici, là. Écoutez, nos 5-6 premières favorites, c'est toutes des Américaines. Donc, Catherine Bélis, là, qui est 112e au monde, qui est seulement âgée de 17 ans, fait qu'elle aussi, là, pour les États-Unis, c'est vraiment là, une future étoile, là, et puis ils font beaucoup d'espoir sur elle. C'est une joueuse là, très talentueuse, donc on a très hâte de la voir à l'œuvre. Je sais qu'elle arrive demain soir, Okay. donc elle va être sur les terrains pratiques dès samedi, fait qu'on a bien hâte de voir son niveau de jeu, tout ça. Puis elle s'est qualifiée aux US Open, puis elle s'est Ouais. inclinée au 3e tour contre Angelique Kerber, donc c'est pas OK. rien, là, à Ben non. 17 ans, là. Ouais. Déjà, là, c'est une joueuse presque déjà établie là, sur le circuit. Donc, écoutez, on a bien hâte de voir la suite, là. C'est-tu elle qui est classée numéro un pour ce tournoi-là? Non, elle est deuxième. La OK. première, c'est Jennifer Brady, une autre américaine, qui est comme 110e environ. Ils ont à peu près le même classement, là. Fait que c'est sûr qu'on a quand même une belle brochette de joueuses, là. Les 5 premières favorites se trouvent toutes dans les top 160, là, donc c'est quand même bien. Et puis, on a notre championne de l'année dernière, Jovana Jacic, la Serbe, qui est 182e, suivie de Françoise Abanda, là, qui est 187e, qui progresse aussi quand même assez bien. Hein. Françoise est capable quand même d'aller chercher des belles victoires à gauche, à droite. C'est juste qu'il faut qu'elle soit capable de le faire avec un petit peu plus de régularité, mais elle est quand même seulement âgée de 19 ans. Il faut quand même lui donner un petit peu plus de temps, je croirais, là, Ouais. pour que qu'on puisse voir là, vraiment là, bon, de quoi elle est capable, mais elle a beaucoup de talent, tout ça, fait que c'est sûr que c'est pas facile par contre là, de Non. bien performer de semaine en semaine, mais on espère qu'ici elle va bien faire, là. C'est sûr que ça serait bon pour nous, puis pour les gens là, de pouvoir encourager une Québécoise, donc... OK. Effectivement, plus de possibilités également. La plus connue, c'est Alexandra Wozniak. Je vais l'avoir tout à l'heure en entrevue d'ailleurs, parce qu'évidemment, elle a fait une carrière internationale. Elle tente toujours de se remettre sur le droit chemin. C'est pas facile hein, pour Alexandra. Je vais y parler tout à l'heure. Oui, C'est non, probablement c'est plus rendu. difficile qu'elle pensait. Ben, c'est certain qu'elle a déjà été top 25? 25 au monde, donc c'est sûr que c'est pas évident de revenir. Elle a été blessée. Bon, elle vieillit aussi, comme tout le Ben monde. oui. Puis il y a des jeunes joueuses qui sont très talentueuses, donc la compétition est très féroce. C'est sûr, c'est surtout son service, je pense, qui est peut-être moins évident pour elle suite à son opération à l'épaule, parce que son jeu en tant que tel est quand même assez bon. Fait que j'ai hâte de voir ici là qu'est-ce qu'elle va nous réserver comme niveau de jeu aussi, parce que donc c'est une joueuse quand même qui a beaucoup d'expérience, qui est établie. Même dernièrement, elle a eu quand même des belles victoires. Même cet été à Coupe-Rogers, elle a joué quand même des bons matchs. Écoutez, elle est pas si loin d'un retour, si on veut, mais bon, présentement, elle est classée comme 325 environ au monde. Donc, c'est sûr que pour elle, c'est pas facile de remonter. Mais Mais non, mais écoutez, non. comme je disais, il y a beaucoup de bonnes joueuses, hein. C'est pas évident tout le temps là, OK. de bien faire puis tout ça. Donc, Une joueuse que j'ai pas entendu parler qu'elle va être là, c'est Charlotte Robillard-Millette. Est-ce qu'elle va être là? Oui, elle va être là. Je crois qu'elle va jouer plus dans les qualifications, OK. par contre, là. Donc, de ce que j'ai su. Fait que je ne sais pas si elle va bénéficier d'un laissez-passer ou si elle va rentrer par elle-même avec son classement, mais c'est certain qu'elle va jouer dans les qualifications. Normalement, elle arrive aujourd'hui, jeudi, là, donc et puis les qualifications commencent samedi, là. Donc, OK. Et j'espère qu'elle va finaliser. Bianca, qui est probablement la grosse prospect canadienne, Bianca, dont son nom de famille m'échappe, là, on dit qu'elle est Bianca Ouais, Vanessa si elle va être Andreescu. là, j'imagine qu'elle va être là aussi, hein? Oui, elle va être là, puis elle va jouer dans le tableau principal dès mardi ou mercredi prochain. Et puis on a très hâte aussi de la voir à l'œuvre parce que c'est une joueuse, une battante, hein, Ouais. très, très compétitive. Puis disons qu'elle a un style de jeu là, quand même très intéressant. Puis elle a eu des très bonnes performances au niveau des juniors. Elle est quand même classée dans les meilleurs au monde junior. Fait que, écoutez, elle aspire à une belle carrière aussi, mais comme on disait tout à l'heure, la route est longue, hein, entre le junior puis le jouer sur le grand circuit. Eugénie l'a vécu, là, présentement ça va moins bien pour elle, mais dès sa première année, elle s'est comme imposée, mais c'est de se maintenir là puis d'être capable justement de jouer là, dans les grands circuits. Fait que c'est pas toujours évident pour tout le monde, là. OK. Et en terminant, Marie-Alexandre Leduc, elle est chez elle. Elle sera sûrement là. C'est pas mal. Et d'ailleurs, pas mal que vous comptez beaucoup là-dessus sur elle pour vendre des billets pour se rendre le plus loin possible. Oui, ben c'est ça. Malheureusement, Marie-Alexandre ne pourra pas compétitionner Ah, à notre OK. tournoi cette année. C'est ça, elle est retenue par son université américaine en Caroline du Sud. Elle compétitionne pour eux là, depuis septembre. Donc, l'année dernière, elle était venue parce que justement, elle ne pouvait pas là, jouer pour représenter l'université. Donc, elle avait été exemptée, si on veut, puis elle avait pu venir. Mais cette année, c'est la première année finalement qu'elle ne sera Ah, pas là. OK. Donc, écoutez, on comprend la situation aussi. C'est sûr qu'on aurait aimé ça parce qu'évidemment, ça nous aide aussi là, à vendre des billets, etc. Mais en tout cas, on va espérer que nos Québécoises vont bien faire puis qu'on puisse assister à du beau tennis comme qu'on a tout le temps chaque année. Donc. OK. Bon, les gens qui veulent se présenter, comment ça fonctionne? Ben, écoutez, aller jusqu'à mardi après-midi, il n'y a pas de frais. Donc, OK. c'est gratuit pour les qualifications et tout. À partir de mardi soir, il y a des coûts bon qui s'attachent aux billets, évidemment. On conseille aux gens de prendre leur passeport au coût de 20 $ en prévente jusqu'à mardi soir. Et puis après ça, ça tombe à 25 $. Sinon, écoutez, les séances sont pas très chères. Là, ça commence à 5 $, aller jusqu'à 15 $ pour les demi-finales finales par séance. Donc, c'est sûr que si quelqu'un pense venir quand même plus qu'une fois ou deux, ben il est peut-être préférable que cette personne-là se procure son passeport. Et pour les enfants, ben ça coûte pratiquement rien. C'est OK. des 2 $, etc. Là. Donc, c'est pas des gros montants là, pour assister à du beau tennis. Bon, effectivement. Ben, Caroline, on s'en reparle quand l'actualité du tennis va l'exiger. Bon, mais ben, parfait. Merci beaucoup. Notre collaboratrice de tennis, Caroline Delisle.